Landry écoutait toujours la petite fadette avec une grande contention d'esprit et sans trouver à redire à aucune de ses raisons. En dernier lieu, la manière dont elle parla de son petit frère, le Sotirio, lui fit un effet comme si, tout d'un coup, il sentait de l'amitié pour elle et comme s'il voulait être de son parti contre tout le monde. « Cette fois-ci, fadette, dit-il, celui qui te donnerait tort serait dans son tort le premier. Mais pourquoi ne te fais-tu pas connaître pour ce que tu es? On ne pourrait parler pas mal de toi, et il y en a qui te rendraient justice. » « Je l'ai bien dit, Landry, reprit-elle. Je n'ai pas besoin de plaire à qui ne me plaît point. Mais si tu me le dis à moi, c'est donc que... » Là-dessus, Landry s'arrêta, tout étonné de ce qu'il avait manqué de dire, et se reprenant. « C'est donc, fit-il, que tu as plus d'estime pour moi que pour un autre. Je croyais pourtant que tu me haïssais à cause que je n'ai jamais été bon pour toi. « C'est possible que je t'ai haï un peu, répondit la petite fadette. Je te croyais fier, et tu l'es. Mais tu sais surmonter ta fierté pour faire ton devoir. Je te croyais ingrat. Tu es si fidèle à ta parole que rien ne te coûte pour t'acquitter. Enfin, je te croyais poltron. Mais je vois que le courage ne te fait pas défaut. Tu m'as fait danser aujourd'hui, quoique tu en fusses bien humilié. Tu m'as défendu contre de méchants enfants. Enfin, ce soir, en m'entendant pleurer, tu es venu à moi pour m'assister et me consoler. Tu auras toute ta vie la preuve que j'en garde une grande souvenance. Si je t'avais su amoureux de la Madelon, je ne t'aurais pas brouillé avec elle. Quand j'ai peu à peu compris que c'était une vraie blessure dans ton cœur, j'ai pleuré aussi, vrai. Voilà pourquoi je pleurais encore si amèrement, quand tu m'as surprise ici. Que pourrais-tu donc faire pour nous remettre en bon accord? La Madelon saura que tout le tort est venu de moi, dit-elle. Si elle ne te rend pas son amitié demain, c'est qu'elle ne t'a jamais aimé. Et que je ne dois pas la regretter, Fanchon. Console-toi du petit chagrin que tu m'as fait. J'en suis déjà guéri. Ces peines-là ne guérissent pas si vite. C'est le dépit qui te fait parler, Landry. Demain viendra et tu seras bien triste jusqu'à ce que tu aies fait la paix avec cette belle fille. À cette heure, je te baille ma foi que je n'en sais rien et que je n'y pense point. C'est donc comme ça que vous aimez, vous les garçons. Je crois bien que tu t'amuses de moi encore à cette heure à vouloir ranger mes affaires avec la Madelon. La vérité est que je ne lui ai jamais encore dit un mot d'amourette. Laissons passer la chose. Elle en reviendra d'elle-même si elle veut. Et si elle n'en revient pas, je crois bien que je n'en mourrai point.